إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Nous allons étudier durant ce mois béni, chers frères, le chapitre d'un livre de l'éminent savant l'imam Ibn Qayyim rahimahullah, qui s'intitule « Les causes pour se prémunir, se débarrasser des péchés et des désobéissances ». Ce chapitre traite d'un sujet de la plus grande importance, un sujet qui doit être dans l'esprit de chaque musulman qui se soucie de sa propre personne et qui doit le préoccuper, à savoir quelles sont les causes qui vont l'aider à se prémunir, se débarrasser des désobéissances et à s'en éloigner, pour éviter de subir le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala et de réussir en obtenant ses larges récompenses dans le paradis. Donc l'imam Ibn Qayyim, dans ce chapitre, évoque 20 causes qui vont permettre aux musulmans de fortifier sa religion et sa foi et de se débarrasser ou de se prémunir des péchés. Donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter à comprendre et à prendre en considération ces causes pour les mettre en pratique. Donc l'imam Ibn Qayyim rahimahullah commence à évoquer la première cause. Il dit, la première cause, le fait d'immensifier et de glorifier Allah dans son cœur, de sorte à ne pas lui désobéir alors qu'il nous voit et nous entend. En effet, celui dont son cœur témoigne de la grandeur, de la gloire et de la majesté d'Allah, ce dernier ne pourra jamais, désobéir à son Seigneur. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens du verset, ils n'ont pas estimé Allah comme il devrait l'être, alors qu'au jour de la résurrection, la terre entière tiendra dans sa poignée, et les cieux seront pliés dans sa main droite. Gloire à lui, il est au-dessus de ce qui lui associe. Allah dit aussi, dans un autre verset, dans le sens, qu'avez-vous à ne pas vénérer Allah comme il se doit, alors qu'il vous a créé par phases successives. L'imam al-Qurtubi, rahimahullah, dit, concernant le tafsir de la parole, At-tuwara, ma lakum la tarjouna lillahi, wa qara, wa qad khalaqakum at-tuwara. Naam. Donc ici, at-tuwara, qu'on a traduit par phases successives, cela signifie étape après étape. Naam. Cela signifie étape après étape, jusqu'à compléter la création. Donc l'homme a été créé, à travers plusieurs phases, jusqu'à que sa création ait été complète. Il dit ensuite, donc l'imam al-Qurtubi, celui qui a fait ceci, donc Allah subhanahu wa ta'ala, et qui en a été capable, a plus le droit d'être vénéré et immensifié. Naam. Et Bashir ibn al-Harith al-Hafi, qui était un élève de l'imam Malik, un élève de l'imam Malik et autres savants, disait « لو تفكر الناس في عظمة الله تعالى لما عصوه. لو تفكر الناس في عظمة الله تعالى لما عصوه. » Donc, si les gens auraient médité sur la grandeur, la majesté d'Allah, ils ne l'auraient pas désobéi. Ensuite, l'imam Ibn Qayyim, rahimahullah, évoque la deuxième cause, pour nous prémunir des péchés. Il dit l'amour d'Allah. Donc la deuxième cause est l'amour d'Allah, le fait d'avoir l'amour d'Allah dans le cœur. comme Allah dit dans le Coran, Naam, Walladhina amanu ashaddu hubban lillah, dans le sens du verset, mais les croyants vouent à Allah un amour plus grand encore. Donc si le serviteur occupe son cœur par l'amour d'Allah, ceci l'empêchera de tomber dans ce qui provoque la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car les péchés et désobéissances empêchent le serviteur de bénéficier de l'amour d'Allah envers lui. Et cela proportionnellement au péché qu'il fait. Car l'amour sincère envers Allah se traduit par l'obéissance de ses ordres et le délaissement de ses interdits et de ceux qui attirent sa colère. Comme Allah dit dans le verset, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, ordonne au prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire, il lui dit, dis, naam, si vous aimez réellement Allah, alors suivez-moi, donc suivez le prophète. Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Naam. Et on va résumer ce point dans quelques vers qui ont été attribués, naam, à un groupe de savants, naam, de salaf, comme l'imam Shafi'i ou l'imam Abdullah ibn Mubarak. Donc ces vers disent تعصي الإله وأنت أو تعصي الإله وأنت تظهر حبه هذا محال في القياس بديع لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع. Donc il dit, tu désobéis à Allah alors que tu prétends l'aimer. Ceci est impossible et étrange. Si ton amour était vraiment sincère, naam, tu lui aurais obéi, car celui qui aime est obéissant envers son bien-aimé. Ensuite, l'imam Ibn Qayyim, rahimullah, évoque la troisième cause qui nous aidera à se prémunir, qui nous aidera à nous prémunir, naam, des péchés, à nous protéger des péchés, à ne pas faire de péché, de désobéissance. Il dit, le fait de prendre conscience des bienfaits énormes qu'Allah nous a octroyés. Donc ça, c'est la troisième cause. Le fait de prendre conscience des bienfaits énormes qu'Allah nous a octroyés. Allah dit dans le verset وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Dans le sens du verset, il dit, et si vous comptez les bienfaits d'Allah, vous ne saurez pas les dénombrer. Donc si le serviteur prend conscience de ses bienfaits énormes venant d'Allah, il prendra garde à ne pas rendre ce bien qu'Allah lui donne par des péchés, par des méfaits. Il ne lui rend pas ici par des péchés, par des méfaits, naam, venant de sa propre personne. Car Allah lui octroie ses bienfaits. Et lui, en échange, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des désobéissances et des péchés. Naam. Et à cet effet, l'imam Abdul Ghani, ou Abdul Ghani al-Maqdisi, donc l'imam Abdul Ghani al-Maqdisi, rahimahullah, évoque dans son livre, qu'il a intitulé « At-Tawwabin », les repentants, une histoire qui est arrivée à un homme pieux, naam, à sept savants, qui s'appelle Ibrahim ibn Adham. Donc un homme est venu voir ce grand savant, Ibrahim ibn Adham. Il lui a dit, Ya Aba Ishaq, donc ici c'est la kunya de ce savant-là, je suis injuste envers ma propre personne. C'est-à-dire qu'il fait des péchés, des désobéissances. Il lui dit ensuite, présente-moi ce qui pourrait la réprimander mon âme, pour qu'elle arrête de faire des péchés. Et ce qui pourra sauver mon cœur, naam, de l'amour des péchés. Alors l'imam, donc Ibrahim ibn Adham, lui dit, si tu acceptes cinq choses et que tu es capable de les mettre en pratique, naam, aucune désobéissance après cela ne t'atteindra. L'homme lui dit, het, c'est-à-dire, donne-les-moi, évoque-les-moi. Naam. Ibrahim ensuite lui dit, Ibn Adham, rahimahullah, la première, si tu veux désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, alors ne mange pas de sa subsistance. Donc si tu souhaites désobéir à Allah, ne mange pas de son rizq, de sa subsistance. L'homme lui répond, lui dit, dans ce cas-là, d'où je vais manger? Je vais manger de la subsistance de qui? Naam. Et tout ce qui est sur terre fait partie de la subsistance d'Allah, il lui répond. L'imam lui dit quoi juste après? Ô toi, est-ce qu'il convient ou est-ce qu'il est convenable de manger de sa subsistance et de lui désobéir? L'homme lui répond non. Non. Puis il lui dit, donne-moi la deuxième. Donc cet homme lui dit, donne-moi la deuxième. Ibrahim, rahimahullah, lui dit, si tu souhaites lui désobéir, alors ne réside pas, n'habite pas dans l'un de ces pays, sur sa terre. L'homme dit, celle-ci est plus compliquée que la première demande. Si l'Orient et l'Occident et ce qui est entre eux lui appartiennent, où veux-tu que je réside? Naam. Tout fait partie de son royaume. Où tu veux que je réside? Ibrahim lui dit, ô toi, est-ce qu'il est convenable de manger de sa subsistance, de résider dans l'un de ses pays, sur sa terre, Naam, dans son royaume, et de lui désobéir? L'homme lui répond, non. L'homme lui répond non. Puis il dit, donne-moi la troisième. Ibrahim, rahimahullah, lui dit, si tu souhaites lui désobéir en sachant que tu manges de sa subsistance et que tu es sur sa terre, Naam, tu résides dans sa terre, essaye de trouver un endroit où tu pourras te cacher, de sorte qu'il ne te voie pas, qu'il ne te voie pas, Naam, puis désobéis à Allah dans cette cachette. Donc essaie de te cacher pour qu'il ne te voie pas, puis ensuite désobéis-lui. L'homme répond, comment pourrais-je faire cela en sachant qu'il sait ce qui se cache dans les cœurs? Ibrahim alors lui répond, ô toi, est-il alors convenable de manger de sa subsistance, de résider sur sa terre et de lui désobéir alors qu'il te voit et voit ce que tu fais? Il lui répondit non. Puis il lui dit, donne la quatrième. Ibrahim, rahimahullah, lui dit, lorsque l'ange de la mort viendra te retirer ton âme, dis-lui, reviens plus tard pour que je puisse faire un repentir sincère et faire de bonnes actions. L'homme lui dit, il n'acceptera pas cette demande. Ibrahim lui dit alors, ô toi, si tu n'es pas capable de repousser la mort pour pouvoir te repentir, et tu sais que la mort ne te laissera pas de répit. Comment espères-tu être sauvé? C'est-à-dire, comment espères-tu être sauvé du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala? L'homme dit ensuite, donne-moi la cinquième. Ibrahim lui dit ensuite, lorsque les anges de l'enfer viendront te prendre le jour de la résurrection pour t'emmener en enfer, ne les suis pas. D'accord? Donc ne les suis pas et ne va pas avec eux. L'homme répondit, ils ne me laisseront pas et ils n'accepteront pas cette demande-là. Ibrahim dit alors, comment espères-tu le salut dans ce cas-là? Comment espères-tu échapper du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala? Ensuite, l'homme finit par lui dire, Naam, ô Ibrahim, cela me suffit, cela me suffit. Je demande pardon à Allah et je me repens à lui. Ensuite, l'imam Ibn Qayyim, Rahimallah, dit la quatrième, donc la quatrième cause, Naam, pour se prémunir des péchés. Le fait de prendre conscience de la colère, de la vengeance divine. Car si le serviteur fait sans cesse des désobéissances, le Seigneur, qu'Allah subhanahu, se met en colère. Et quand il se met en colère, rien ne peut lui faire face. Et encore moins un serviteur faible. Naam. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, quand il se met en colère envers ce serviteur-là, ce serviteur ne peut pas faire face à sa colère. D'autant plus que ce serviteur est très faible. D'accord? La moindre maladie, naam, ou la moindre chose peut avoir un effet néfaste sur lui. Un petit virus, naam, qui n'est même pas vu à l'œil nu, peut le laisser un mois dans son lit sans qu'il puisse bouger. Non. Donc Allah se met en colère envers celui qui lui désobéit. Comme Allah dit dans le verset, فلما آسفونا انتقمنا منهم. فلما آسفونا انتقمنا منهم. Donc dans le sens du verset, puis lorsqu'ils nous eurent irrités, nous nous vengeâmes d'eux. Donc si l'âme pousse le serviteur à la désobéissance, qu'il se souvienne de la colère d'Allah, ainsi que de sa vengeance, face à laquelle il est vraiment impuissant. Allah dit aussi dans le verset, Ou man yahlil alayhi ghadabi faqad ghawa. Naam. Ou man yahlil alayhi ghadabi faqad ghawa. Dans le sens du verset, et celui sur qui ma colère s'abat va sûrement vers l'abîme ou le malheur. La cinquième cause, et la dernière d'ailleurs, qu'Ibn Qayyim évoque, il dit, cinquièmement, le fait de prendre conscience de la privation que ces désobéissances engendrent, c'est-à-dire la privation du bien dans cette vie et dans l'au-delà, et de ce que cela engendre comme appellation blâmable, qu'elle soit blâmée par la raison, par la religion ou par la société dans laquelle il vit. Et les appellations louables et bonnes le concernant disparaissent, qu'elles soient louables vis-à-vis de la raison, de la religion ou de la société dans laquelle il vit. Et il suffit comme privation pour le serviteur qu'il soit privé de la foi dont le poids d'un atome est mieux pour lui, Nam, que la vie d'ici-bas et ce qu'elle contient. Alors comment peut-il vendre cette foi par un désir interdit dont son plaisir disparaît et le regret, Nam, de ce désir-là interdit perdurera et durera. Le désir disparaît et le malheur reste et il a été rapporté dans le hadith sahih. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le fornicateur ne pratique pas la fornication en étant croyant au moment où il fornique. Naam. Donc je répète le hadith, le fornicateur ne pratique pas la fornication en étant croyant au moment où il fornique. Donc une partie des compagnons ont dit, concernant ce hadith, Naam, donc en expliquant ce hadith, on dit, la foi est enlevée, ôtée de lui, donc du fornicateur, jusqu'à que cette foi soit au-dessus de sa tête comme un nuage. Et s'il se repent, cette foi revient à lui. Et parmi les tabi'in, il a été dit, concernant ce hadith aussi, la foi est ôtée de lui, c'est-à-dire du fornicateur, comme si on enlevait un qamis, comme si on enlevait un qamis. S'il se repent, il le revêtit. Non. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu dans le hadith qui a été rapporté par l'imam al-Bukhari dans son authentique, les fornicateurs, non. Les fornicateurs dans un four tout nu, d'accord, dans un four tout nu, car ils se sont dénudés de l'habit de la foi. Alors, le four de la passion, du désir qui était dans leur cœur est devenu un four apparent et visible dans lequel il se faisait brûler en enfer. Donc, si le serviteur aurait pris conscience combien la désobéissance peut le priver du bien et de la grâce d'Allah, il aurait cessé de désobéir à son Seigneur. Et parmi ces privations, il y a la privation de la foi complète. Comme il a été évoqué dans le hadith sahih, le fornicateur ne pratique pas la fornication en étant croyant au moment où il fornique. Ensuite, le buveur d'alcool ne boit pas en étant croyant au moment où il boit de l'alcool. Et le voleur ne pratique pas le vol en étant croyant au moment où il vole. Donc ce désobéissant, en faisant ce grand péché, est privé de la foi complète et mérite les appellations les plus blâmables, comme croyant pervers, ou croyant débauché, ou croyant désobéissant, et a privé sa propre personne, Naam, du bien dans cette vie et dans l'au-delà. Il a privé sa propre personne du bien dans cette vie et dans l'au-delà. Et parmi aussi les privations de bien, il y a le fait d'être privé de ses bonnes actions. Naam. D'ailleurs, Thawban radiallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith: certes, je connais des gens de ma communauté qui viendront le jour du jugement avec des actes comme les montagnes de Tiham, qu'Allah rendra comme de la poussière éparpillée. Thawban radiallahu anhu dit au messager sallallahu alayhi wa sallam: décris-les-nous afin que nous ne fassions pas partie d'eux sans le savoir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre: ce sont certes vos frères, et ils sont issus de votre tribu. Ils prient durant la nuit comme vous priez, mais ce sont des gens qui, lorsqu'ils sont seuls, transgressent les interdits d'Allah. Qu'Allah nous en préserve. Donc Qatada rahimahullah a dit: celui d'entre vous qui est capable de ne pas annuler une bonne action qu'il a faite par une mauvaise action, qu'il le fasse, car le bien annule le mal et le mal annule le bien. Qu'on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de préserver nos bonnes actions et de ne pas nous priver de sa grâce et de sa miséricorde. Allahumma habib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal-fusuqa wal-isyan waj'alna min ar-rashidin wa asallaha تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يسمع القول أو ممن يستمع القول فيتبع أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين